Je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je ne suis qu'un homme. Manze Merlo sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 13 juin 1943, naissance de Malcolm McDowell, acteur britannique vu dans Orange Mécanique dans le rôle d'Alex Delarge, Caligula dans le rôle de l'empereur Caligula, Halloween 1 et 2 dans le rôle du docteur Samuel Loomis, The Artist ou encore la série télé Mentaliste dans le rôle de Brett Stills. 1951, naissance de Stellan Skarsgård, acteur suédois, vu dans Dogville, l'exorciste au commencement, Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde dans le rôle de Bill Turner, alias Bill le Bottier, Mamma Mia, ainsi que la suite, Mamma Mia et... Je vais jamais y arriver, enfin le deuxième volet, dans le rôle de Bill Anderson, vu dans Ange et Démon, Mélancolia, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, dans le rôle de Martin Vanger, Nymphomaniac, et on le connaît aussi pour son rôle du docteur Eric Selvig dans Thor, Avengers, Thor, le monde des ténèbres, et Avengers, l'ère d'Ultron. 1953, naissance de Tim Allen, acteur américain, connu pour son rôle de Scott Calvin, alias le Père Noël, dans Super Noël, Hyper Noël et Super Noël 3 méga givré, et il est la voix originale de Buzz l'éclair dans la série des Toy Story. D'ailleurs, le quatrième volet eh bien, sort dans quelques semaines. 1959, naissance de Lance Kinsey, acteur canadien, connu pour son rôle du lieutenant Proctor dans Police Academy 2, 3, 4, 5 et 6. 1965, naissance de Leslie Kay, actrice américaine, connue pour son rôle de Molly Conlan dans la série télé As the World Turns et son rôle de Felicia Forrester dans Amour, Gloire et Beauté. 1977, naissance de Romain Ménil, l'ancien perchiste français qui au championnat du monde compte 2 médailles d'argent et 1 de bronze. Au championnat d'Europe, 1 médaille d'argent. Au championnat de France, 10 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. 1978, naissance de Mathis Kinzler, acteur suisse connu pour son rôle de David Zeidel dans la série télé Le Destin de Lisa. 1980, naissance de Florent Malouda, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1997 à 2018 en jouant à Châteauroux, Guingamp, Lyon, le club avec lequel il a été champion de France en 2004, 2005, 2006 et 2007. Ensuite, il est parti à Chelsea, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2012, le titre de champion d'Angleterre en 2010 ainsi que 3 coupes d'Angleterre en 2009, 2010 et 2012. Ensuite, il a joué à Trabzonspor, à Metz, à Delhi Dynamos, à Wadi Degla et au FC Differdange. 1981, naissance de Chris Evans, acteur américain, connu pour son rôle de Johnny Storm alias la Torche Humaine dans Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, et surtout connu pour son rôle de Steve Rogers alias Captain America dans Captain America First Avenger, Avengers, Thor, le monde des ténèbres, Captain America, le soldat de l'hiver, Avengers, l'ère d'Ultron, Ant-Man, Captain America, Civil War, Spider-Man, Homecoming, Avengers, Infinity War, Captain Marvel et en dernier lieu, Avengers, Endgame. 1986, naissance de Kat Dennings, actrice américaine, vue dans 40 ans, toujours puceau, Big Mama 2, Thor, le monde des ténèbres dans le rôle de Darcy, et la série télé Two Broke Girls dans le rôle de Max Black. C'est également l'année de naissance de Mary-Kate et Ashley Olsen, actrice, styliste et productrice américaine, vit au cinéma dans Recherche Maman désespérément, Destination Londres, Vacances sous les tropiques, Charlie's Angels, Les anges se déchaînent, à la série télé La fête à la maison dans le rôle de Michelle, Elizabeth Tanner, Les jumelles s'en mêlent dans le rôle de Mary Kate et Ashley Burke, ou encore Totalement jumelles dans le rôle de Riley et Chloé Carlson. C'est aussi l'année de naissance de Måns Zelmerlöw, chanteur suédois. 1990, naissance d'Aaron Johnson, acteur britannique. Vu dans Shanghai Kid 2, Nowhere Boy dans le rôle de John Lennon, Kick-Ass 1 et 2 dans le rôle de Dave Lizewski alias Kick-Ass, Godzilla dans le rôle de Ford Brody, Avengers l'ère d'Ultron dans le rôle de Pietro Maximoff alias Vif Argent, et vu aussi dans Nocturnal Animals. 1996, naissance de Cody Smith McPhee, acteur australien, vu en 2013 dans Roméo et Juliette dans le rôle de Benvolio, La planète des singes, l'affrontement dans le rôle d'Alexander, X-Men Apocalypse et X-Men Dark Phoenix actuellement au cinéma dans le rôle de Kurt Wagner alias Diablo. En 1998, décédé Éric Tabarly, navigateur français. Et en 2003, décédé Guy Lux, homme de télévision français ayant inventé et créé au total plus de 50 émissions de radio et de télé, dont l'émission de jeu culte, hein, qui nous manque un peu d'ailleurs l'été, c'était Interville. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec Amir et le titre « Longtemps ». Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Amir, longtemps sur le 107FM, un peu plus de 8h45 et il est temps, eh bien, pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Et aujourd'hui, on aura droit à une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 21 et 22 degrés prévus pour cet après-midi. Pour vendredi, ce sera une journée malheureusement pluvieuse, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévus pour vendredi après-midi. Samedi, de la pluie également, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Bien, on a encore pas mal de choses à dire ce matin et on commence tout de suite avec la Coupe du Monde féminine. Hier, c'était le match numéro 2 pour notre belle équipe de France. Et c'était un test, hein, notamment face à la Norvège. Et la France s'est imposée 2-1. Des buts tricolores signés Gauvin et Le Sommer. Et le but norvégien est signé Wendy Renard. Hein, donc, c'est la France qui a marqué le seul but norvégien, un but contre son camp. C'est malheureux, mais heureusement, sans conséquences. La France est première de son groupe. Et lundi, ce sera le troisième match contre le Nigeria. Allez, football toujours, et on va parler du club de Nancy qui avait réussi à se maintenir sportivement, mais la direction nationale du contrôle de gestion a décidé de reléguer le club lorrain en national. Le club nancéen va faire appel de cette décision. En hockey sur glace, cette nuit, c'était le match numéro 7 de cette finale de NHL et c'est Saint-Louis qui s'est imposé 4-1 face à Boston. Saint-Louis est donc le champion cette année. Un mot de tennis avec le tournoi de Stuttgart hier, l'élimination de Tsonga en 3-7 face à Raonic, 6-4, 6-7, 7-6. Lucas Pouille s'est qualifié en 3-7 face à Medvedev, 7-6, 4-6, 6-2. Aujourd'hui, mon fils affrontera Kudla et Simon sera opposé à Auger Aliassime. À Bois-le-Duc aujourd'hui, Herbert affrontera Goffin, Manarino sera opposé à Verdasco, pardon, et Richard Gasquet affrontera Kukuch. À Nottingham, hier, côté messieurs, Huang s'est qualifié en 3-7 face à Kamke, 5-7, 6-4, 6-2. Pas de français sur les cours aujourd'hui. Et côté féminin, Caroline Garcia s'est qualifiée en 2-7 face à Baines, 6-1, 6-2. Mlanenovic s'est qualifiée en 2-7 face à Freck, 7-5, 6-2. Et Paquet s'est qualifiée en 3-7 face à Reina, 5-7, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Paquet affronte Vekic, Garcia se reposait à Lumsden et Mlanenovic à Sharma. Un mot de cyclisme avec le critérium du Dauphiné. Hier, c'était contre la montre, plutôt correct pour Thibaut Pinot, qui est actuellement sixième au classement général. À noter hier la chute de Christopher Froome, qui malheureusement dit adieu au Tour de France. Il souffre notamment d'une fracture du fémur. En rugby, Coupe du Monde U20, la France s'incline largement face à l'Argentine, 26-47. Mais au vu des autres résultats, eh bien, la France est tout de même qualifiée pour les demi-finales. La France affrontera donc les Sud-Africains en demi-finale. Et on termine avec du basket. Cette nuit, c'est le match numéro 6 dans cette finale qui oppose Golden State à Toronto. Golden State n'a pas le choix que de s'imposer s'il veut avoir encore une chance de pouvoir remporter le titre NBA, puisque c'est Toronto qui mène la série, hein, 3-2. Hier a été dévoilée la liste des 15 joueurs français retenus par Vincent Collet pour la préparation à la Coupe du Monde. Et donc sont retenus. Alors, Nous avons Andrew Albici, Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Hurtel, Louis Labéry, Paul Lacombe, Mathias Lessor, Timothée Luao-Cabarro, Matt Mbaye, Adrien Monherman, Franck Ntilikina, Vincent Poirier et Axel Toupane. Voilà donc pour les 15 Français retenus dans cette prépa Coupe du Monde. Et bien c'est tout pour l'actualité sportive. On va donc tout de suite marquer la dernière pause musicale. Et en ce moment, on parle beaucoup Coupe du Monde. Eh bien, on va revenir à l'été dernier avec Magic System et Magic in the Air. Magic in the air, aïe aïe aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez, feel the magic in the air, aïe aïe aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez, feel the magic in the air. Magic System, Red One, Chanky. Magic in the Air, Magic System sur RGM. Il est presque 8h55 avant de faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. On fait un point sur les événements qui ont lieu ce week-end dans nos belles Vosges.